Chapitre 12e. Si Dantin avait hésité un moment pour répondre à la question d'Adeline, c'est que le tout qu'il disait n'était pas le tout qu'il avait vu. En plus de l'étouffage des jetons, il y avait eu le bourrage de la cagnotte et pendant ces quelques secondes de réflexion, il s'était demandé s'il devait parler de ce bourrage. Il n'était pas dans un cercle fermé, et bien qu'il ne sût rien de la situation qui avait été faite au président du cercle dans lequel il opérait, il devait croire que ce président, comme tant d'autres, touchait un traitement. Or, ce traitement, c'était, toujours comme chez les autres, la cagnotte qui le payait. Comment, dans ces conditions, parler du bourrage de cette cagnotte à un président qui en vivait? N'était-ce pas lui dire en face « On vous paye avec de l'argent volé ». Cela n'était agréable à dire à personne. Et d'autre part, quand on n'est qu'un pauvre diable d'employé de la préfecture de police, ce serait plus que de l'imprudence de dire à un ami du préfet « Vous n'êtes qu'un mangeur ». C'était déjà bien assez gros d'avertir ce président de cercle que son croupier étouffait les jetons, mais enfin c'était possible. Le croupier pouvait opérer pour lui-même et sans autre partage que celui qu'il aurait à faire avec ses complices. Mais la cagnotte, ce n'était pas le croupier qui en avait la clé, c'était le gérant. Et s'il la bourrait, ce ne pouvait être que par ordre du gérant. Or si Dantin s'en tenait au mot d'Adeline, « Mon gérant est un autre moi-même », il fallait y regarder à deux fois avant de dénoncer ce bourrage. De là son hésitation, et de là aussi sa réponse ambiguë qui n'accusait personne, mais qui laissait la porte ouverte aux questions. Que le président le poussât, un homme qui réellement veut tout savoir, il répondrait aux questions nettement posées. Qu'on ne le poussât point, il n'en dirait pas davantage, surtout à propos de choses qu'on ne lui demandait pas. Non seulement on ne l'avait pas poussé, mais encore on l'avait envoyé reprendre sa surveillance. Il se l'était tenu pour dit. On n'a pas été fonctionnaire de la préfecture pendant de longues années sans apprendre à retenir sa langue. Et obéissant à la consigne, il avait repris sa surveillance en continuant à se donner l'air provincial. « Eh bien, monsieur, lui demanda Frédéric, commencez-vous à connaître le jeu ?»« Ça vient, mais l'embarras, c'est pour prendre des cartes. Je ne pourrai jamais me décider. Alors vous ne jouez pas, demain. »« Quel imbécile !» se dit Frédéric en s'éloignant. L'imbécile continua de regarder le jeu, mais comme, pendant le temps qu'il avait passé dans le cabinet du président, le nombre de joueurs avait augmenté, il ne se trouvait plus qu'au troisième rang, derrière les joueurs qui se penchaient sur la table pour surveiller leur mise. Le tapis vert était encombré de jetons rouges et blancs et de plaques de nacre au milieu desquelles éclataient çà et là l'or de quelques louis jetés par des joueurs fiévreux qui n'avaient pas eu la patience de les changer. Comme les filouteries du croupier ne l'intéressaient plus puisqu'il les connaissait, c'était aux jours et aux banquets qu'il donnait toute son attention. Mais à l'exception d'une pauvre petite poussette, c'est-à-dire d'une plaque de 25 louis à cheval et qu'un ponte avait adroitement poussé quand son tableau avait gagné, il ne vit rien que de régulier. Tous ses joueurs, ponte en banquier, jouaient correctement. Mais il en est du policier comme du chasseur à l'affût, il n'a qu'à attendre. Il attendit donc. Tout à coup, il se fit un brouhaha, et il vit un groupe entrer dans la salle, vers lequel tous les yeux se tournèrent. Au milieu de ce groupe s'avançait un grand jeune homme blond à lunettes, qui semblait marcher assez gauchement, un peu à l'aventure, le prince de Hennig, à qui l'on faisait une entrée, comme il arrive souvent pour les gros joueurs. Dantin, qui ne le connaissait pas, remarqua qu'il regardait en dessus et au-dessous de ses lunettes qu'il portait assez bas sur le nez. Tout de suite, le prince vint à la table et deux joueurs s'étant écartés avec l'empressement de courtisans, il plaça sur le tapis une plaque de 25 louis qu'il perdit. Il en avança une seconde, qu'il perdit encore. « C'est assez, » dit-il, « je n'ai pas la veine. Nous verrons si je serai aussi malheureux en banque. » Et au regard qu'on fixa sur lui, il fut facile de comprendre que plus d'un joueur se promettait de profiter de cette débène quand il serait en banque. Il avait assez gagné, l'heure de la restitution allait sonner. Sans suivre le jeu pour voir d'où soufflait le vent, le prince alla s'asseoir dans un coin et resta là, d'un air indifférent et ennuyé, jusqu'au moment où la banque lui fut adjugée. Alors tout le monde se pressa autour de la table et l'on vit apparaître le premier croupier, un Béarnais appelé Camille, qui avait longtemps opéré à Pau, à Biarritz, à Luchon et qui ne travaillait que pour les banques importantes ou pour les joueurs de qualité. Le prince de Hennig, assis à son fauteuil, avait demandé des cartes neuves, et le garçon d'appel avait apporté trois jeux au croupier. En poussant, en se faufilant adroitement, Dantin avait fini par arriver au second rang derrière les pontes assis, et il n'était qu'à trois pas du banquier, dans les meilleures conditions pour le bien voir. Au quatrième rang, Adeline se tenait derrière lui. Quand on posa les cartes sur le tapis, il les examina et constata que les bancs timbrés paraissaient intacts. Le croupier déchira les enveloppes, battit les cartes et les passa à un ponte qui les battit à son tour. Encore un peu, monsieur, si vous voulez bien, dit le prince avec un aimable sourire. Je suis féticheur. Évidemment, ce n'était pas des jeux séquencés. Dantin pouvait être tranquille de ce côté. Il n'avait plus qu'à surveiller les mains de cet aimable banquier pour voir si, en approchant son fauteuil de la table, il ne ferait pas passer de sa main droite dans sa main gauche une portée préparée à l'avance, un cataplasme. Si cette portée était épaisse, un rigolo, si elle était mince. Mais tout se passa avec une régularité parfaite, il n'y eut aucune applique. Les jetons, les plaques, les louis et même quelques billets de banque s'étaient abattus sur le tapis. « Combien y a-t-il ? » demanda le prince, affirmant ainsi mauvaise vue. « 28 000 francs, répondit le croupier, qui, d'un coup d'œil exercé, avait fait son compte. « Rien ne va plus, » dit le prince. « Messieurs, rien ne va plus, » répéta Camille. Le prince donna les cartes avec lenteur sans les quitter des yeux. Les deux tableaux prirent des cartes. Pour lui, il ne s'en donna pas, et quand il montra son poing, un murmure de surprise s'éleva. Il s'était tenu à 4 et il gagnait. Le tableau de droite avait 3, le tableau de gauche, baccarat. Quelle veine ! Cette veine calma l'ardeur des pontes. L'heure de la restitution ne paraissait guère arrivée. Aussi, quand le prince fit sa question ordinaire, « Combien, je vous prie ?» le croupier n'annonça-t-il que 7 000 francs. Les prudents se réservaient, il fallait voir. Ils virent qu'ils avaient eu tort de s'abstenir car le banquier perdit cette taille en tirant une bûche qui laissa le même son point de 3. Alors l'espérance revint aux joueurs et le croupier annonça qu'il y avait 20 000 francs. Mais cette fois ils eurent tort encore car ce fut le banquier qui gagna. Et ce qu'il y eut de remarquable dans ce coup, c'est qu'il fut aussi audacieux que l'avait été le premier. Le prince tira 6 et amena un 2. Ses adversaires avaient l'un 6, l'autre 7. Si les pontes furent consternées, Dantin fut étonné. C'était trop beau, trop sûr pour lui. Il y avait là quelques voleries, mais laquelle ? Il ne voyait rien. Il avait beau prêter l'oreille, il n'entendait pas le plus léger bruit de filage dans cette pièce silencieuse où l'anxiété arrêtait les respirations. Devenait-il sourd ? Il l'écouta s'il entendait le battement de sa montre dans la poche de son gilet, et il l'entendit. La banque continua en suivant à peu près la même marche. Sur 4 coups, le banquier en gagnait 3, et presque toujours avec une sûreté de tirage extraordinaire. Quand la banque finit, on apporta devant le prince la corbeille dans laquelle il devait emporter son gain. Elle se trouva presque remplie de jetons et de plaques. C'était un désastre. Pendant que le prince changeait toute cette mitraille d'ivoire et de nacre contre de vrais billets de banque, il voulut bien, toujours avec son aimable sourire, promettre à quelques joueurs qu'il reviendrait le lendemain et leur offrirait leur revanche. C'en était assez pour ce soir-là. Le cercle se vida presque complètement. Bien certainement, il ne se passerait plus rien de sérieux. Adeline emmena Dantin dans son cabinet. « Eh bien, demanda-t-il, le prince est un filou. Vous avez vu ? Rien. Alors comment pouvez-vous porter une pareille accusation contre un homme dans sa situation et que nous a présenté un membre des grands cercles ? Vous me demandez mon impression, je vous la donne. Si vous voulez que je ne dise rien, je me tais. Mais qui vous fait croire ? Dantin expliqua ce qui lui faisait croire que le prince était un filou en insistant principalement sur la sûreté de son tirage. « Il n'y a pas de séquence, » dit-il en concluant. « Il n'y a très probablement pas de filage, mais il y a quelque chose, et ce quelque chose je le chercherai. J'espère même que je le trouverai. Seulement il faudrait avant que j'eusse les cartes avec lesquelles le prince a taillé. Elles étaient neuves. » Dantin ne répliqua pas, mais il insista pour examiner ses cartes, et comme ce soir-là, il était impossible de retrouver avec certitude dans la corbeille celle qui avait servi au prince à tailler, il fut convenu que cet examen serait remis au lendemain. Ce retard contraria Adeline, qui aurait voulu ce soir même expulser de son cercle le croupier Julien, ainsi que le garçon du jeu Théodore. Mais il fallait bien attendre, et laisser le prince prendre encore une banque sans éveiller les soupçons de personne, alors même que cette banque du lendemain devait être aussi désastreuse que celle qui venait de finir. Elle le fut. Les choses se passèrent exactement comme la veille, même façon de jouer et de tirer, même gain, même impossibilité pour Dantin de rien voir. Comme cela avait été convenu, aussitôt que la banque fut finie, il se rendit dans le cabinet du président, où celui-ci arriva presque aussitôt, accompagné de Bunou, mis dans le secret, afin de donner plus de solennité à l'examen. Ils apportaient les cartes de la dernière banque. Vivement, Dantin les prit, palpa, les examina. Toutes passèrent par ses doigts et sous ses yeux. « Je ne trouve rien, » dit-il enfin. « Vous voyez, monsieur, avec quelle légèreté vous avez soupçonné le prince, » dit Adeline sévèrement. « Par bonheur, personne n'en saura rien. »« Je jure que c'est un grec, » s'écria Dantin. « Il ne faut pas accuser sans preuve, » dit Bunou-Bunou sentencieusement, et avec non moins de sévérité qu'Adeline. « Si nous n'avions pas agi avec prudence, dans quelle situation nous mettiez-vous ?» Comme Adeline, Bunou-Bunou s'était révolté à l'idée que le prince de Hennig pouvait être un filou, et comme Adeline, il regardait l'agent avec une pitié méprisante. « Ces policiers !» Ce n'était pas seulement des soupçons de Dantin sur le prince qu'Adeline avait entretenu son collègue, c'était aussi des accusations portées contre Julien et Théodore. Aussi, en voyant le découragement de l'agent, tous deux se demandaient-ils si accusations et soupçons ne se valaient pas. Dantin était trop fin pour ne pas deviner ce qui se passait en eux, mais que dire. Le mot de Bunou-Bunou lui fermait la bouche. On n'accuse pas sans preuve. Et cette preuve, il ne l'avait pas. « Votre surveillance n'ayant pas produit de résultat, au moins pour les joueurs, » dit Adeline, « je pense qu'il est inutile de la continuer. Vous pouvez ne pas revenir demain. »« Très bien, monsieur, » dit Dantin, « je ferai mon rapport. » Il se dirigea vers la porte. Comme il allait l'ouvrir, il revint lentement en se frappant le front. « Les lunettes !» s'écria-t-il, « les lunettes !» Adeline et Bunou-Bunou le regardèrent en se demandant s'il était pris d'un accès de folie. « Ce n'est pas pour rien qu'on a de pareilles lunettes. Il y a sur ces cartes des signes que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais que lui voit avec ses lunettes. Avez-vous une loupe ?»« Nous n'en portons pas sur nous, » dit Bunou-Bunou d'un air goguenard. « Les opticiens sont fermés à 7 heures, mais heureusement j'en ai une chez moi. » « Je vais la chercher. Dans 20 minutes, je serai de retour. Je vous en prie, messieurs, donnez-moi 20 minutes. »« Nous ne vous les refuserons pas, » dit Adeline avec condescendance.